dire son mot, presque douillé je crois. Mais si je crie très fort, on ne m'entendra pas. Alors je ne crie pas et je parle avec moi. Pour le déjeuner, j'ai des pilules rouges. Pour le goûter, des gélules oranges. Pour dormir le soir, une petite piqûre. Et si je suis sage, j'ai même droit au suppositoire. Je suis très calme et ça se voit. Je bave à peine sur mon pyjama. Je ne me tords presque plus les doigts. Mais là où ma bouche passe, mes ongles ne repoussent pas. Pour le déjeuner, j'ai des pilules bleues. Pour le goûter, des gélules vertes. Pour dormir le soir, une petite piqûre. Et si je suis sage, j'ai même droit au suppositoire. Dans le fond de ma bulle, je prépare ma sortie, croyez-moi. Me souvenant de mon coffre-foie qui battait comme un fou à l'intérieur de mon pull. Sur un jour, j'arrêterai les pilules pour sortir la force au fond de moi. Et puiser dans la rage et l'effroi, la puissance nécessaire pour éclater ma cellule. Sortir la force au fond de moi et